Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, le spectacle « Lettre à une disparue ». En studio, nous avons Véronique Masneau, qui est auteure du roman qui porte ce titre. Un roman épistolaire qui a été édité chez Hachette Collection, le livre de Paul Jeunesse, il y a tout juste de cela une vingtaine d'années, 20 ans même pour être précis, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Un roman qui a reçu plusieurs prix littéraires et à vos côtés, Barbara Moreillon, dramaturge, metteur en scène du spectacle du même nom. Bonjour. Bonjour. Vous avez été toujours enseignante de lettres modernes et de théâtre depuis 2005. Vous avez été formée en particulier à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes une voisine en quelque sorte. Je suis de la maison. Vous êtes de la maison. Nous allons parler de ce spectacle, une création jeune public, un spectacle qui sera à l'affiche de la nouvelle scène nationale dans les établissements scolaires les 10 et 11 janvier prochains, puis au théâtre de l'Usine à Éragny-sur-Oise le vendredi 19 avril 2019 à 20h30. Alors, peut-être, Véronique Masneau, nous parler de ce livre qui est plus qu'un point de départ. Pourquoi avoir écrit ce livre et surtout, de quoi parle-t-il? Je crois qu'on se situe effectivement dans des années sombres de l'Argentine, époque dictature du maréchal ou général Videla, c'est ça? Oui, le général Videla, oui. Oui, la radio tient une place particulière dans cette histoire parce que c'est après avoir entendu un reportage à la radio, donc sur France Inter, c'était une émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, qui avait fait toute une série de reportages sur l'Argentine, mais les deux dernières émissions portaient sur justement la mémoire de la dictature, les traces, etc., dans la population. À ce moment-là, on était en 1995. C'était encore très récent et il a abordé le sujet des disparus et j'ai découvert complètement cette histoire et cette histoire aussi des petits-enfants appropriés, les enfants des disparus qui eux avaient été enlevés et appropriés par d'autres familles. Adoptés par force, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Et... Alors, histoire de femmes? C'est oui. D'abord ça, au-delà des événements lui-même, il y a le contexte, oui. Mais la direction que vous avez empruntée pour ce roman, pour écrire ce roman, c'est d'abord une histoire de femme entre ce héritage d'une grand-mère à sa petite-fille, sans oublier effectivement forcément la fille dans cette affaire, ces oui. Trois générations qui sont évoquées. C'est ça, c'est comment renouer un lien entre trois générations avec le maillon du milieu qui a disparu et puis le dernier maillon, donc la petite fille qui ne sait pas qui elle est. Donc toute l'histoire est là. Comment renouer ce lien? Comment renier ce lien? Et cela passe par la correspondance, par les lettres, justement, les fameuses lettres à une disparue? Oui. Alors au départ, finalement, les lettres, elles ont plutôt une fonction de journal intime, c'est-à-dire que Mélina, la grand-mère, écrit à sa fille qui est disparue pour pas devenir folle, en fait, tout simplement, pour essayer de répondre à ses questions. Quand c'est insupportable, sa seule échappatoire, c'est l'écriture. Donc, elle écrit, mais bien sûr, ses lettres, elle ne peut pas les envoyer, puisque la destinataire a disparu, par définition. Mais, au fil du récit, on découvrira que, finalement, ses lettres auront une destinataire, évidemment. Mais bon, je peux pas tout raconter. Une parole qui se veut libératrice, c'est ce qui est dit justement dans dans l'écriture d'abord. Oui, oui, libératrice déjà rien que pour moi d'écrire, parce que cette histoire je l'avais sur le cœur et je ne pouvais plus rien faire d'autre, donc c'est ce qui a déclenché l'écriture. Et après évidemment c'est une histoire aussi de transmission d'une mémoire collective, une mémoire qui est située dans l'histoire, dans notre histoire contemporaine. Donc il y a aussi un côté militant à ça, transmettre cette mémoire et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ni là-bas, ni ailleurs. Alors quand on aborde des sujets comme ça, se plonger dans ce contexte effectivement d'une dictature militaire, C'est vrai qu'on pourrait se laisser envahir par les émotions. La presse a dit à propos de votre roman qui a obtenu, je le disais tout à l'heure, plusieurs prix littéraires. C'est un roman épistolaire poignant, pour ne pas oublier que cela existe encore aujourd'hui, mieux qu'une leçon sur les droits de l'homme ou en complément. C'est dire, effectivement, Véronique Masneau évite avec bonheur et simplicité l'écueil de l'effusion. Seul compte le souci de la vie contre la bête immonde qui existe, qui peut à tout moment revenir là-bas en Argentine comme ici en France. C'est ça un peu le message ? Oui, tout à fait, oui. En fait, l'écriture, justement, permet... Parce que souvent, oui, on imagine que comme je me suis plongée dans cette histoire-là, j'étais sous le coup de l'émotion et donc j'écrivais. Mais non, pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'étais sous le coup de l'émotion, j'ai décidé d'écrire et l'écriture fait... qu'on se pose des questions techniques, en fait, comment je vais raconter ça, qui sera le support de ce que je veux dire, etc. Et du coup, ça refroidit, en fait, l'émotion, justement, ça la tient à distance pour pouvoir écrire. Donc c'est exactement, voilà, le phénomène inverse. Barbara Morillon, pour vous, c'est une double rencontre. D'abord, une rencontre avec le roman, une première fois, et ensuite, plus tard, une rencontre avec l'auteur qui est à vos côtés. Exactement. Racontez-nous, ce qui a déclenché pour vous, au-delà de ces rencontres, la volonté de passer du roman et de, non pas de le représenter sur scène. Quel mot convient le mieux ? Une adaptation ou une création, effectivement, inspirée de ce roman ? Je pense qu'on est plutôt du côté de la création inspirée du roman. Effectivement, une histoire de rencontre. Rencontre d'abord avec ce texte, voilà, comme tout lecteur qui m'a touchée. Rencontre avec mes élèves lorsque j'étais enseignante et que je transmettais ce livre-là. Donc j'ai pu voir ce que ça produisait chez les adolescents de rencontrer cette écriture de Véronique. Et puis, heureuse rencontre avec Véronique Masneau, lorsque elle me fait part de son envie de décaler, en fait, cette écriture et de la placer au plateau. Donc, à cet endroit-là, je m'en empare pleinement pour transmettre ce message encore plus loin et différemment. Ça suppose qu'il y a eu un travail de réécriture pour la scène ? Oui, exactement. Et c'est un fil qu'on a tendu à quatre mains. Cette réécriture, elle s'est basée sur la parole de ces femmes. C'est-à-dire qu'on a élagué la plupart des personnages du roman pour se concentrer sur ce fil tendu de la parole féminine. La parole, c'est les mots, c'est les témoignages, c'est ce que la parole peut transmettre en termes d'émotion qu'on évoquait tout à l'heure, mais dans l'écrit, l'émotion n'est pas la même qu'à l'écoute. Et là, je crois que vous nous invitez, au travers de ce spectacle, à un véritable voyage sensoriel. Emprunter la voix de l'intime pour que cela se soit traduit directement, le plus directement, puisque vous avez recours, chaque spectateur a un casque. Donc effectivement, en termes de proximité et de lien avec l'intime, on ne peut pas faire mieux là. Oui. Alors deux raisons pour ce dispositif et ce parti pris du casque. La première, effectivement, être dans une relation proche de l'épistolaire et faire en sorte que l'humain s'adresse à l'humain et du un pour un. Et dans un deuxième temps, en fait, ce dispositif me permet d'interroger ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entend, comment est-ce qu'on écoute les choses au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que l'on fait de ce message que l'on entend. Comment on le retransmet. Donc dans cette société de l'image à outrance, j'ai bien envie d'interroger cet autre sens qu'est l'ouïe. Ça me permettait aussi de raccorder, et j'y tenais, avec l'instant de création de Véronique, qui le disait tout à l'heure. Pour elle, cette écriture est née de l'écoute d'un témoignage. Donc voilà, je viens interroger ce qui se passe quand... je peux m'emparer de ce message parce que je l'ai entendu et comment je crée avec ça. Oui, en plus, le lien, là, vous vous adressez, vous vous exprimez sur des ondes radio. Pour le coup, ça nous parle très directement parce que tout est misé au quotidien sur l'écoute, une manière exacerbée pour faire que ce sens soit le plus disponible. Alors, ça passe par des voix, des témoignages, des voix de femmes, mais aussi des bruits, des sons divers, des rires d'enfants, des bruits de pas, de respiration. Donc tout un environnement sonore qui va venir enrichir effectivement ces textes et ces voix. Oui, c'est ça. Un peu un dispositif en immersion dans lequel on va plonger donc, les spectateurs pour que l'espace puisse se dessiner, mais de façon sonore. Donc du coup, tout un univers, on est dans une écriture numérique sonore pour ce spectacle, avec la rencontre aussi du réel, de ce qui se passe au plateau, et de tout ce qui aura pu être enregistré et retransmis. Trois générations, deux personnages sur scène, celui de la grand-mère et celui de sa petite-fille. Cinq personnes dans cette aventure, l'auteur, les deux personnages que je viens d'indiquer, un danseur chorégraphe et vous-même comme metteur en scène. Le chorégraphe, que vient-il faire dans cette aventure ? Eh bien, en fait, on met en question donc le message qui est entendu et les différentes façons d'exprimer un message. Donc, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, soit à partir de mots, soit situé sur le langage du corps. Donc là, c'est l'expression de cet enfant approprié qui, selon moi, n'a pas l'accès aux mots que peut avoir sa grand-mère dans cette écriture. Et donc, on va découvrir qu'elle peut s'exprimer de façon corporelle. Pour le travail en direction du public, voire du jeune public, il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, deux dates de présentation sous une petite forme dans des établissements scolaires les 10 et 11 janvier prochains. Ça signifie qu'il y a un travail d'action culturelle qui est mené en amont du spectacle. Et ensuite, la représentation, ça sera au mois d'avril, au théâtre de l'usine à Iragny-sur-Oise, c'est ça ? Exactement, oui. Alors, comment se passe ce travail en amont ? Alors, en fait, c'est permettre à ces élèves plutôt éloignés des lieux culturels, hein, puisqu'on avait l'intention que la lettre arrive à tous les destinataires, y compris ceux qui n'y ont pas accès a priori. Pour cette petite forme que l'on met en place, il s'agit de les impliquer dans une ellipse du texte, hein, et très concrètement, les mettre en situation en classe, donc toujours avec ce même dispositif de casque, mais de leur permettre de vivre un moment qui est donc une ellipse tant dans le roman que dans la mise en scène. Donc du coup, ils vont être amenés à expérimenter, à devenir acteurs, eux aussi, au sein de leur classe, de cette petite forme de lettre à une disparue. Question ultime à Véronique Masneau, auteur donc de ces lettres à une disparue. Le travail s'est fait le travail de création s'est fait ensemble, sans trahison aucune. Ah non, parce que justement, l'invitation était là de venir participer pleinement à la construction des deux formes, la petite et la grande. Et dans la petite, je suis encore peut-être plus impliquée que dans la grande. Donc voilà, j'ai hâte. Ça sera présenté donc au public comme on l'a dit. Je rappelle les dates de présentation les 10 et 11 janvier prochains dans les établissements scolaires et au théâtre de l'usine à Iragny-sur-Oise le vendredi 19 avril à 20h30.